Section 35 de Le mari de Charlotte par Hector Malo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 4. Ce fut seulement quelque temps après que cet entretien fut terminé que Narbanton comprit combien il avait eu tort de le commencer. Il est en effet des choses auxquelles on ne touche pas sans se brûler cruellement. Elles paraissent inoffensives, on porte la main dessus, on les tourne et on les retourne en tous sens, sans inconvénient, puis tout à coup, on sent une légère cuisson, elle grandit vite, et l'on s'aperçoit bientôt qu'une brûlure terrible vous envahit et vous dévore. Tel fut pour Narbanton le résultat de cet entretien. Pendant une heure, il avait examiné avec sa femme le douloureux problème que pendant 4 années il avait seul agité, et la solution à laquelle il était arrivé, c'était le doute. La question n'avait point fait un seul pas décisif. Le doute maintenant, comme pendant ces 4 années. Un moment, il est vrai, il avait été sur le point d'obtenir de sa femme une confession entière, mais le courage lui avait manqué. N'osant point aller jusqu'au bout, il l'avait arrêté. Une seule chose positive ressortait de cette longue conversation, l'effroi que Georges inspirait à Charlotte. D'où provenait cet effroi? Pourquoi redoutait-elle tant de se trouver en présence de celui qui avait dû être son mari? Il la connaissait trop bien pour admettre un instant qu'elle obéit à un mouvement de rancune. S'il y avait eu de la haine dans son cœur, elle n'aurait pas souffert lorsqu'elle avait entendu accuser Georges. D'un autre côté, il la connaissait trop bien aussi pour croire qu'elle ne lui avait pas dit la vérité entière. Évidemment, elle ne savait pas au moment où il l'avait interrogée quels étaient ses sentiments pour Georges. La jalousie n'exclut pas la foi. Emmanuel était jaloux du passé de sa femme, mais il avait pleine foi en elle pour le présent. Ce qu'il cherchait à savoir, ce n'était pas si Charlotte lui avait caché les sentiments qu'elle éprouvait pour son cousin. Elle lui avait dit qu'elle ne savait pas quels étaient ses sentiments. Il avait la conviction qu'elle était sincère. Ce qui l'inquiétait, ce qui le torturait, c'était de deviner ce qu'elle avait pu ressentir autrefois, car par la connaissance du passé, il espérait arriver à la prévision de l'avenir. Si Charlotte avait éprouvé pour Georges une véritable passion, il était à craindre que cette passion se réveillât le jour où elle le reverrait. Ainsi, de tous côtés, tout se réunissait pour rendre cette interrogation pressante. Avait-elle aimé Georges? Il en vint à regretter de n'avoir pas saisi l'occasion qu'elle lui offrait de tout dire. Assurément, c'eût été une faute, car il est des choses qu'un mari ne doit pas apprendre de la bouche de sa femme. Mais en tout cas, cette faute eût peut-être été moins terrible que cette incertitude qui livrait leur vie et leur bonheur au hasard. Bien entendu, il se garda soigneusement de laisser deviner à sa femme les pensées qui l'oppressaient, et pendant tout le reste du voyage, il affecta la liberté d'esprit et la bonne humeur. À Dijon, ils quittèrent le chemin de fer pour prendre une voiture qui les conduisit au Charmeau. La propriété ainsi nommée était un vieux château bâti sur un étroit plateau de la Côte d'Or, au milieu de vastes forêts qui couvrent les sommets les plus élevés de cette partie de la Bourgogne. Une église, avec un clocher en flèche, 20 ou 30 maisons de paysans, un château autour décapité, entouré de vastes communs, c'est là tout Charmeau. À vrai dire, un endroit sévère dans un âpre pays. Recouvert d'une couche de terre végétale trop mince et trop maigre pour être fertile, ce plateau et ceux auxquels il se rattache par des gorges profondes ne produisent guère que des forêts et çà et là des pâturages qui nourrissent de nombreux troupeaux. C'est la partie pauvre de la Côte d'Or, si riche sur les pentes qui descendent vers la Saône. Charlotte, en suivant la route qui les amena au Charmeau, fut saisie par le caractère sauvage de ces gorges sombres, de ces montagnes aux pentes ardues, et de ces bois profonds qui ne sont coupés que par de rares clairières. Elle s'était faite une toute autre idée de la Bourgogne, qui pour elle était le pays des coteaux fertiles, couverts de vignes. Meursault, Pomard, Volnay, et les villages de la plaine de la Saône lui avaient caché les bois du Morvan. Elle fut vivement impressionnée aussi en entrant dans le château. Aussitôt débarqué à Marseille, Narbanton avait envoyé une dépêche pour annoncer son arrivée. Mais le personnel domestique qui occupait le château depuis les voyages du maître n'était pas nombreux. Il se composait d'un jardinier et de sa femme, qui depuis 5 ou 6 ans s'était contentée, le mari de faucher l'herbe des allées quand elle était bonne à faner, la femme d'ouvrir de temps en temps les fenêtres pour que le courant d'air emportât la poussière et séchât l'humidité. C'était leur manière de comprendre les soins à donner à la propriété qui leur avait été confiée, non qu'ils fussent des gens malhonnêtes ou qu'ils ne portassent point intérêt à leur maître, mais ils étaient avant tout de braves paysans, bien primitifs, et leur opinion était qu'il ne faut pas perdre l'herbe quand elle veut bien pousser, de même qu'il ne faut pas passer son temps à frotter des meubles quand ces meubles ne doivent servir à personne. En apprenant la prochaine arrivée de leur maître avec madame, ils avaient sagement compris qu'ils ne pourraient jamais regagner le temps perdu, et renonçant à une tâche impossible, ils s'étaient contentés d'arranger tant bien que mal les chambres que les maîtres devaient occuper. Ils avaient mis des draps au lit, ils avaient fait du feu, et ils avaient préparé un dîner tel quel. Lorsque Charlotte et son mari atteignirent les Charmeaux, la nuit était tombée depuis quelque temps déjà, et c'était au milieu de l'obscurité qu'ils avaient gravi les dernières pentes du plateau par un chemin sous bois. En sortant de ce bois, ils s'étaient trouvés brusquement en face d'une grande masse noire. C'était le château. Quand leur voiture s'arrêta, une lumière parut au haut d'un perron, mais si faible qu'on eût pu la prendre pour un feu follet. Elle n'avait rien de fantastique cependant, c'était tout simplement une chandelle enfermée dans une lanterne en corne. Ils entrèrent dans un vestibule sombre, où leurs pas retentirent comme sous les voûtes d'une église. Le froid et l'odeur humide des maisons inhabitées saisit Charlotte à la gorge. Des papillons nocturnes vinrent voltiger autour de la lanterne. « N'avez-vous pas fait de feu ?» demanda Emmanuel. « Si, monsieur, dans la salle à manger. » D'énormes bûches qui flambaient au milieu d'une immense cheminée avaient assaini cette salle à manger et lui donnaient une certaine gaieté. La table était servie, couverte d'un linge damassé, jauni dans les armoires, et d'une argenterie que le temps avait brunie. Le frisson que Charlotte avait éprouvé en entrant se dissipa devant la flamme des charmes qui brûlaient, et lorsqu'elle se mit à table, en face de son mari, elle ne pensait plus à l'émotion qui lui avait serré le cœur en entrant. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle ouvrit les persiennes de sa fenêtre, qui roulèrent en grinçant sur leurs gonds rouillés, elle se retrouva sous le poids de cette pénible émotion. Tout autour d'elle, aussi loin que ses yeux pouvaient s'étendre, des bois qui enfermaient l'horizon borné dans une ceinture noire. Au-dessus, un ciel bas et gris, à ses pieds, de vastes jardins qui n'étaient eux-mêmes que la continuation de la forêt, et dans une dépression de terrain, un étang dont les eaux sombres étaient couvertes de plantes aquatiques. Comme tout cela était triste, âpre et sauvage. Elle se pencha pour embrasser l'ensemble du château. Il lui parut présenter un développement considérable entre les deux grosses tours rondes qui le terminaient. À chaque extrémité, des lilas, des rosiers, des lierres et des lianes croissaient en un inextricable fouillis au pied des murailles, le long desquelles ils montaient pêle-mêle. Au moment où elle se relevait, elle sentit une main se poser sur son épaule. « Eh bien, » dit Emmanuel en la regardant, « comment trouves-tu les Charmeaux? Tout cela ne te paraît-il pas trop sévère? Moi, je vois ce pays avec d'autres yeux que les tiens. C'est le mien. Au moins, c'est là que j'ai été élevé. Mon père a acheté ce château et ses bois quand sa fortune a commencé à grandir, et c'est ici que j'ai passé ma jeunesse. Ce pays a donc pour moi des beautés qu'il n'a pas pour d'autres. Là, mon cœur, en tout lieu, se retrouve lui-même. Tout s'y souvient de moi, tout m'y connaît, tout m'aime. Mon œil trouve un ami dans tout cet horizon. Chaque arbre a son histoire, et chaque pierre un nom. C'est ainsi que Lamartine parle de Milly, que nous irons visiter un de ces jours, et c'est ainsi que je parlerai des Charmeaux, si j'étais poète. Il suffit que ce pays soit le tien pour que je l'aime, et que tu t'y plaises pour que je m'y plaise aussi. Nous y resterons autant de temps que tu voudras, toujours. » Ce « toujours » ne fut pas bien long. Malgré l'engagement que Charlotte avait pris de se plaire dans ce pays, elle ne s'y plut point. La tristesse de l'océan, à laquelle elle était habituée, ne ressemble en rien à celle de ces déserts boisés. Tout, au Charmeaux, la portait à une mélancolie qu'elle ne pouvait secouer. Il lui semblait parfois que c'était la maison de la mort, et dans les propos mêmes des paysans, elle trouvait des sujets de tristesse. Lorsqu'elle les faisait causer, ils s'arrêtaient souvent comme s'ils eussent été embarrassés de dire tout ce qu'ils savaient. Cela arrivait notamment à propos de la mère d'Emmanuel, qu'on appelait toujours la pauvre madame. Pourquoi pauvre ? Avait-elle souffert dans ce pays ? Si Emmanuel s'était montré plein d'entrain, de mouvement, de gaieté, comme pendant leurs années de voyage, elle fut peut-être parvenue à dominer cette impression. Mais elle ne la retrouvait plus telle qu'elle l'avait toujours vue. Il y avait maintenant en lui des silences bizarres. Parfois, il ne lui répondait point lorsqu'elle l'interrogeait, ou bien il restait les yeux fixés sur elle, la regardant longuement. Souvent, alors qu'il ne se croyait pas observé, elle le voyait marcher de long en large dans les allées du jardin, la tête basse, discutant avec lui-même. Puis quelquefois, il avait des mouvements d'expansion inexplicables. Il la serrait dans ses bras, il l'embrassait tendrement, comme s'il avait peur de la perdre. Que se passait-il en lui ? À quelle cause tenait cette mélancolie ? Elle éprouva donc un véritable soulagement lorsqu'il lui demanda de quitter les Charmeaux et de partir pour Paris. Fin de la section 35.